ça sort, bon, c'est ma franche vérité. Il faut que tu sois là tout le temps près de moi. Car la nuit, tes étoiles, tes montagnes qui me donnent d'efficacité et mémorise. À quelle heure est-il dans ta mort, mais surtout à 7h du soir, j'ai mon poste pour mes offres. Letter with some hoochie man, Tommy on Tommy down. Here come the king of underground, son. What you get is what you get, my attention. And what's the pull on the sea, if you ready. Place on a section, no time to cruise the blue. If you let it out, the doctor feel good.